Est-ce que tu as quelque chose sous le pied, sous la main? À la limite, si tu as un morceau, un riff, n'importe quoi, fais démarrer un truc. On démarre batterie et guitare. Je sais pas, tu te souviens à peu près le Samael ou pas? Ok. Le Baphomet. Ah, mais là, ça va pas être possible si je joue tout seul et que. Bah, en La fait, limite, essaie de faire partir le truc et puis je rattrape quand je rattrape quoi. Putain. Attends, hein. ouais, Une seconde. tu vois là? Ouais. Check, Check. ouais. Ouais, voilà, le truc, c'est que effectivement, il y a 18 secondes. Alors quand tu me dis démarre un riff à la Ouais. batterie, en fait, je le démarre, mais tu l'entends seulement 18 secondes. Ouais, 8, merde, 18 non. secondes. C'est Ouais, l'horreur, quoi. c'est l'horreur, mais putain, c'est bizarre. Je pensais que ce logiciel, il était censé synchroniser. Bah, je pensais que c'était qu'il devait compenser justement la latence, quoi. Bah, normalement, ça marche comme ça. Il y a un truc qu'on n'a pas dû super bien faire. Il doit y avoir dans les paramètres, les préférences.